Vitaliho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le Parlement burundais a ouvert aujourd'hui ses activités pour la première session ordinaire pour l'année 2017. 7 projets de loi sont sur la table et parmi eux, celui portant ratification par la République du Burundi du projet de loi modifiant pour la deuxième fois l'accord de Cotonou, signé en 2000. Le président burundais appelle la population à ne plus prêter oreille à ceux qui prônent la division ethnique. Il a dit ce lundi dans son message à la nation. Aujourd'hui, le Burundi a commémoré le 26e anniversaire de l'unité nationale. Le bureau de la facilitation annonce un nouveau rendez-vous de dialogue à Arusha en Tanzanie du 16 au 18 février prochain. Le parti CNDD de l'opposant Léonard Nyangoma dit qu'il répondra présent s'il est invité. Mais de notre côté, Laura Debout de Jean de Dieu Moutawazi estime que ce rendez-vous risque de ne rien donner de concret. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'Assemblée nationale a procédé ce lundi au lancement de la première session ordinaire 2017 sur l'agenda 7 projets de loi à analyser, dont celui portant ratification par le Burundi du projet de loi modifiant pour la deuxième fois l'accord de Cotonou signé en 2000 et celui qui portait établissement d'une force en attente en Afrique orientale. Et le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, qui a ouvert cette session, s'est montré préoccupé par la mauvaise récolte de la session culturelle A et la prise de position du Parlement européen sur la situation sécuritaire au Burundi. On l'écoute. L'Assemblée nationale est très préoccupée par la faiblesse de la récolte pour la saison culturelle s'achève. Consciente qu'il s'agit de l'une des conséquences du changement climatique, elle lance un appel au gouvernement et à tous les acteurs étatiques et non étatiques concernés pour qu'ils poursuivent leurs efforts et assurent la sécurité alimentaire. L'Assemblée nationale encourage également toute initiative destinée à protéger l'environnement et à limiter les conséquences du réchauffement climatique. En matière de bonne gouvernance, lançons un appel aux institutions habilitées telles que la Brigade anticorruption, la Cour anticorruption et l'Inspection générale de l'État pour qu'elle redouble d'efforts dans la lutte contre la corruption et les malversations économiques et financières. Au cours de ce mois de vacances parlementaires, l'Assemblée nationale a encore une fois été choquée par le traitement réservé au Burundi par la résolution du Parlement européen du 19 janvier 2017 qui s'inspire d'une perception figée du passé récent. Affirmé en ce début de 2017 que le Burundi se trouve dans une crise politique et sécuritaire est absolument contraire à la réalité. L'Assemblée nationale exhorte le Parlement européen à dépêcher une délégation sur le terrain au Burundi afin qu'elle vérifie sur place la situation réelle qui prévaut. Le président Pierre Nkurunziza appelle les Burundais à ne plus prêter oreille à ceux qui prônent la division ethnique. Il l'a dit ce lundi dans son message à la nation pour la commémoration du 26e anniversaire de l'unité nationale. Le numéro 1 burundais invite la population à bien accueillir les réfugiés qui désirent rentrer. Suivez Pierre Nkurunziza, le président burundais, traduit en français par Didier Nyonzima. Ubumwe turamutse twigina uno munsi nirage giza warazwe. Ubumwe kandi buza imbere. La fête de l'unité qu'on est en train de célébrer est l'héritage de nos parents, surtout que l'unité vient en premier dans notre devise qui est l'unité, travail, progrès. On doit donc la préserver contre ces personnes qui s'investissent à vouloir faire les divisions ethniques entre les Burundais. On doit être solidaire en comprenant que l'unité nationale a toujours été le bouclier contre les temps difficiles qu'a connu le pays. C'est une occasion également de lancer un appel à ceux qui ont fui le pays de revenir au Burundi pour construire leur patrie. Je demande aux Burundais qui sont restés ici de bien accueillir leurs frères en partageant ce qu'ils ont dans leur ménage, qu'ils leur montrent qu'ils sont les bienvenus. Et les Burundais sont appelés à sauvegarder la charte de l'unité nationale pour qu'ils ne revivent pas la tragédie qui a marqué l'histoire du Burundi. L'appel est de l'évêque du diocèse de Bubanza. C'était ce lundi lors de la commémoration justement du 26e anniversaire de l'unité nationale qui a eu lieu à Mpanda. Monseigneur Jean Ntagwarara explique que l'unité doit reposer sur quatre aspects, y compris le respect du droit de l'homme. Selon Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale qui avait pris part à ces festivités, les Burundais doivent éviter des discours divisionnistes. Les détails avec Placide Niyomungere que la radio avait dépêché à Mpanda. Ces cérémonies ont débuté par une messe dite par l'évêque de Bubanza à la succursale de Gifugwe à Musenyi. Monseigneur Jean Ntagwarara rappelle qu'il a fallu du temps suffisant pour aboutir à la signature de la charte de l'unité nationale. Pour lui, le Burundi a connu une tragédie suite à la vanité et ventriotisme de certains Burundais, mais la charte de l'unité nationale était comme une réponse pour guérir les cœurs blessés, a-t-il ajouté. Il a poursuivi dans son homélie que de telles blessures existent dans le cœur de certains Burundais, d'où il faut sauvegarder cette unité nationale afin d'éviter de revivre cette tragédie. Après la messe et dépôt des gerbes de fleurs par les représentants du gouvernement, à commencer par la famille du président de l'Assemblée nationale, sur le monument de l'unité nationale érigé au chef-lieu de la commune Mpanda, suivi d'une procession dans laquelle a pris part la population de Bubanza, les écoles et le personnel de l'Assemblée nationale, le gouverneur de la province Bubanza a précisé que sa province est paisible, sauf le cas de disette qui s'observe dans la partie de Limbo de cette province où plus de 3000 familles sont victimes du soleil accablant qui a desséché une partie de leur culture. Néanmoins, Tarsis Nyongabo salue l'unité et l'entraide qui ont caractérisé sa population pour venir en aide à ses familles en plus d'autres initiatives. Selon le président de l'Assemblée nationale, l'unité n'est pas une maison bâtie, non plus du chemin déjà tracé. Sa consolidation reste un projet en cours et une série d'activités doit être menée pour que cette unité ne reste pas comme un slogan. Pour lui, il faut que l'entraide et l'unité soient renforcées et que le Burundi lutte contre tout discours à caractère divisionniste et que l'unité soit le reflet de tout propos tenu par tout Burundi fier de l'être et que le Burundi sache que leurs différences constituent des richesses en plus de partager la même patrie. Et d'ajouter, Monseigneur Jean Ntagwarara, évêque du diocèse de Bubanza, que l'unité dont le Burundi a besoin doit reposer sur quatre principes dont la vérité, le respect des droits de l'homme, l'indépendance de la magistrature et l'amour. Merci Placide. À l'occasion de la célébration du 26e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale, le gouverneur de la province Muyinga, au nord du Burundi, appelle ses administrés à partager le peu qu'il y a au regard de la récolte pour la saison culturelle. Les précisions de Dieudonné Nzeyimana depuis Muyinga. La production qui a chuté jusqu'à 30% des prévisions pour la saison culturelle A en province Muyinga et jusqu'à 12% en commune Winyuza, c'est l'un des problèmes auxquels est confrontée la population de la province Muyinga ces jours-ci. Aline Manirabarusha, gouverneur de la province Muyinga, l'a annoncé dans son mot d'accueil lors de la célébration du 26e anniversaire de la charte de l'unité nationale. Devant le président de la République qui a rehaussé de sa présence ses festivités au terrain de Mukoni, le gouverneur de la province Muyinga a rappelé que même si la sécurité est garantie, un groupe de malfaiteurs a tenté de perturber l'ordre dans les parages du camp militaire de Mukoni le mois dernier. Dans cette affaire, une vingtaine de personnes ont été arrêtées et condamnées à des peines d'emprisonnement de 30 ans. Au terrain de Mukoni, le président de la République a plutôt prodigué des conseils de façon générale. Préserver l'unité, le développement suivra. Éviter d'être des traîtres tel Jida de la Bible à martelé. Le président de la République indiqua que les clichés ethniques ont été décrétés par le colonisateur qui a introduit les divisions ethniques dans la région afin de mieux s'implanter. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le Bureau de la facilitation dans la crise burundaise annonce un nouveau rendez-vous de dialogue à Arusha en Tanzanie du 16 au 18 février prochain. L'opposant politique Léonard Nyangoma dit que son parti, le CNDD, n'a pas encore reçu d'invitation, mais qu'il répondra présent s'il est invité. Suivez-le, joint au téléphone par Joseph Nsabiabandi. Je dois vous avouer que côté de notre parti, nous n'avons pas encore reçu une invitation en rapport avec son rendez-vous, bien sûr, qui a été déjà envisagé par le facilitateur, le président Mukapa, lors de notre dernière rencontre à Arusha. À l'issue de cette rencontre, le facilitateur avait bien informé qu'il va convoquer un autre round de négociations au cours du mois de février. Donc, nous attendons les discussions sur ce prochain rendez-vous. Sur le compte Twitter de l'assistant du médiateur Makocha Tembere, il indique qu'au cours de cette séance, on va échanger sur les points SAIA qui pourraient faire partie d'un accord probable. Est-ce que le CNDD est prêt pour contribuer dans ce sens? Non seulement nous sommes prêts, nous sommes déjà préparés depuis longtemps parce que vous savez que c'est le tout premier parti, le CNDD, depuis la faillite électorale de 2010. Et nous avions toujours proposé qu'il y ait vraiment des négociations sur les questions litigieuses pour que le Burundi ne tombe pas dans l'abîme. Donc, nous sommes prêts et nous avons toujours répondu à toutes les invitations aux rencontres, à tout ce qui concerne le dialogue inter-burundais afin de rétablir la paix, la sécurité et restaurer la démocratie au Burundi. Nous répondons aussi à l'invitation dans les négociations, dans le dialogue inter-burundais parce que on ne peut pas jouer continuellement avec le peuple en souffrance. À propos des déchirements observés au sein de la plateforme de l'opposition Sénared, Léonard Nyangoma estime que ce n'est pas le moment pour se chasser les uns les autres de cette coalition, mais qu'il faut plutôt converger et opter pour la voie du dialogue. Encore une fois, Léonard Nyangoma, président du parti CNDD. Ce problème pour nous est qui est à non-lieu parce que ce qui exclut finalement du Sénared. Pour commencer, vous savez que Dr. Minani Jean, depuis le 25 janvier 2017, son mandat a expiré. Donc ce n'est pas seulement Dr. Minani Jean, mais c'est aussi tous ses vice-présidents, le secrétaire exécutif. Donc le mandat donc, du comité exécutif du Sénared a expiré depuis le 25 janvier 2017. Alors, qui exclut qui? Bon, il a statué en tant qu'exécutif. Il ne préside rien pour le moment. Donc, c'est à nos lieux, cet événement, d'exclure Bambini Bira ou Madame Marie, notre présidente du Conseil ou la présidente de la DR. Je crois que le moment, ce n'est pas d'exclure les uns les autres, c'est le moment de rassemblement et je leur demanderai de répondre d'ailleurs à la prochaine invitation tous pour qu'on rencontre à Arusha pour qu'on puisse constituer un véritable pont en matière de négociation face au gouvernement en place et au parti au pouvoir. Le prochain rendez-vous de dialogue à Arusha risque de ne rien donner étant donné que les opposants du pouvoir de Bujumbura semblent ne plus avoir la même position sur la suite du dialogue. Cela est dit par Jean de Dieu Mutabazi, président du parti Radebou, qui trouve que si le facilitateur Benjamin Mkapa veut trouver une véritable solution à la problématique du Burundi, il devrait mettre tout en œuvre pour aider à renormaliser les relations entre le Burundi et le Rwanda. Et le Burundi et la Belgique. Il le dit au moment où la reprise du dialogue à Arusha est prévue, je vous ai dit, en date du 16 au 18 février. Jusqu'à maintenant, nous l'avons perçu que sur les réseaux sociaux, mais on avait entendu qu'il y avait un autre round prévu vers mi-février. Pour ce qui nous concerne, ainsi que d'autres partis amis, nous ne sommes plus motivés à participer dans une séance de dialogue, d'autant plus que les partenaires politiques, même s'ils sont de l'opposition radicale, que nous voulions convaincre de rentrer au pays, n'ont plus le même point de vue, n'ont plus la même vision sur la suite à donner à ces séances de dialogue. Vous auriez constaté que parmi les membres de l'opposition radicale, il y en a qui ont gardé la confiance de la facilitation de Benjamin Mkapa et d'autres qui l'ont récusé, qui ont déjà pris la voie de la rébellion et la voie des armes. Dans ce cas, nous ne sommes plus motivés, nous n'avons plus d'intérêt d'aller faire ces séances de dialogue à Arusha. Par contre, ce que nous sommes en train d'encourager et l'appel que nous avons lancé à Benjamin Mkapa, c'est de tout faire pour renormaliser la relation entre notre voisin, le Rwanda, ainsi que renormaliser les relations avec l'Union européenne à travers la Belgique. Alors, si le facilitateur Mkapa veut trouver une véritable solution à la problématique burundaise, c'est de tout mettre en œuvre pour que les relations avec le Rwanda et la Belgique puissent être normales. Une somme de 3,5 millions de francs burundais et environ 50 pagnes ont été volées dans la nuit de dimanche à lundi au marché de Kabezi, c'est dans la province de Bujumbura. Les sources administratives indiquent que les voleurs ont troué la clôture pour pénétrer les shops de Charles Mwamba. Ils ont dévalisé les shops et sont partis sans s'inquiéter. Les commerçants se plaignent du vol souvent perpétré contre ce marché de Kabezi, alors qu'il est gardé par des sentinelles et des policiers. Au sport, le Cameroun a été sacré champion de la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Égypte sur le score de 2-1. La 31e édition de la Coupe a en effet baissé ses rideaux hier dimanche à Libreville, la capitale gabonaise. Les Lions Indomptables remportent leur 5e Coupe d'Afrique des Nations sur 18 participations après celles de 1984, 1988, 2000 et 2002. Entre-temps, le Burkina Faso a été classé 3e lors de la petite finale de ce championnat en battant le Ghana, c'était samedi. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.